Je viens vider l'encrier, remplir le cendrier. Odeur de sang crié, je ne suis pas là pour driller. J'ai besoin de crier ce que l'inspi décide, ce que ma plume dessine, ce que vers les cimes j'ai prié. Les mots doivent briller tels des étoiles filantes. Si la prod est silente, c'est que le silence me fait vriller. Y'en a que ça étonne, mais je ne suis pas vos codes. Sors mes projets en automne, puis j'y perds jusqu'en février. Juste une feuille quadrillée que j'y dépose mes doutes. Après, y'a plus qu'à prier pour que les autres m'écoutent. Juste un crayon afin que j'écrive mes peurs. J'en connais un rayon vu que j'analyse mes pleurs. Quand la vie m'écœure, je me dis que c'est qu'un jeu. Je suis de moins en moins grincheux à force de vous ouvrir mon cœur. Y'a des deux menteurs qui se retrouvent dans mes textes. Frérot, on est pareil, si ton ego tu le détestes. Au clair de la rue avec mon ami Pierrot, prête-moi ta plume que je gratte ma démo. Mon gros bête est mort et je n'ai plus de feu. Je viens péter les portes même si dans le rap je suis un vieux. Fier de nos lacunes, Pierrot répondit. Aiguise bien ta plume, y'a de la prod pour ton inspi. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Technique abusive pour lui péter son briquet. Dablas Piro, pas une collab, c'est une fusion. Un collage, une bouteille, donc du coup on fait du son. Si je crie Mani Bray, c'est à lui que je fais allusion. Et puis quand vient l'ivresse, les rimes viennent à profusion. Équipe de choc, l'étendard est boussolien. On a renforcé nos liens, ces mecs là me poussent au bien. Rire et soutien, on est juste là pour le kiff. Si c'était pour le bif, je m'inventerais une vie de colombien. Comme la plupart, à ce qu'il y a que des criminels. Dans ce rap game, très peu assument leur vie minable. Quand c'est l'hiver, les mecs font des séminaires. Leurs compliments ont le goût de mon liquide. Séminal. L'écriture c'est vital quand on aime pas trop se confier. Peu importe ce qu'on fait, on aime défier l'inévitable. S'aimer c'est le principal, c'est la voie que j'ai choisie. Y'a que mon cœur qui noircit, pour ça que j'ai le teint si pâle. Au clair de la rue avec mon ami Pierrot, prête-moi ta plume que je gratte ma démo. Mon gros bête est mort et je n'ai plus de feu. Je viens péter les portes même si dans le rap je suis un vieux. Fier de nos lacunes, Pierrot répondit. Aiguise bien ta plume, y'a de la prod pour ton inspi. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est. Technique abusif pour lui péter son briquet.